السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الفائدة 48، le profit numéro 48 des profits découlant de la piété. Il nous dit رحمه الله que par elle, c'est-à-dire par la taqwa, s'obtient la compagnie particulière d'Allah. Ma'iyatullahi al-khassa. Allah nous dit d'après l'essence du verset: wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Surat al-Tawba, verset numéro 36. Ma'iyatullahi al-khassa, donc la compagnie particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'en plus d'être avec ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, de par sa science, de par sa vue, il est avec eux, subhanahu wa ta'ala, de par son aide, son assistance et son secours, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aide, assiste et secourt les pieux. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Puis il nous dit, rahimahullah, الْفَائِلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ, le profil numéro 49, est que l'édifice bâti, construit sur la piété, est plus endroit que l'on prie dans celui-ci. Allah nous dit d'après l'essence du verset: la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Certes, une mosquée bâtie sur la piété depuis son premier jour est plus endroit que tu te tiennes debout en prière dans celle-ci. Surat al-Tawbah, verset 108. Donc une mosquée bâtie, construite sur la piété, c'est-à-dire sur la sincérité du culte envers Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le but d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir ses rites subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce qui a été appelé Masjid al-Dirar, qui est une mosquée qui a été construite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les hypocrites, dans le but de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans et à l'islam. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la mosquée qui a été construite, qui a été bâtie sur la taqwa, sur la piété, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir son agrément, est plus endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tienne debout dans celle-ci. Et ce qui est voulu par cette mosquée est Masjidu Quba, donc qui est la première mosquée construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son arrivée à Médine, ou avant son arrivée à la ville de Médine, avant d'avoir construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, al-fa'idatul khamsoun, le profit numéro 50, et que le bien se trouve dans celui ayant bâti son édifice sur la piété. Allah nous dit d'après l'essence du verset: est-ce que celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah est meilleur, ou bien celui qui a fondé son édifice au bord d'une falaise, puis qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? au bord d'une falaise croulante, puis qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne guide pas les injustes. Et Allah ne guide pas les injustes. Sourate At-Tawba, verset numéro 109. Donc encore une fois, ce verset vient à la suite du verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Masjid Ad-Dirar, qui a été construit par les hypocrites dans le but de nuire à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète et aux musulmans. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu al-wahidatu wal-khamsoun, le profit numéro 51, est que la taqwa empêche de s'abstenir du djihad et que l'on obtient par celle-ci la compagnie particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit d'après le sens du verset, ô vous qui croyez, combattez ceux qui sont près de vous parmi les mécréants et qu'ils trouvent en vous de la dureté, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sourate At-Tawba, verset 124. Puis nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu thaniyatu wal-khamsoun, le profit numéro 52, et qu'elle fait partie des causes permettant de tirer profit des signes d'Allah. Allah nous dit d'après le sens du verset, il y a certes dans l'alternance du jour et de la nuit, et dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et sur la terre, des signes pour des gens qui sont pieux. Des signes pour des gens qui sont pieux. Surat Yunus, verset 6. Donc, des signes, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset n'a pas cité vers quoi ces signes vont guider. Donc, car cela prend un sens général. Des signes qui mènent à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui permettent de le connaître subhanahu wa ta'ala, de connaître son immensité, de connaître sa perfection, de connaître sa pleine sagesse et sa puissance subhanahu wa ta'ala. Une connaissance qui poussera le serviteur à l'adorer lui seul, subhanahu wa ta'ala, en dehors de quiconque. Et dans ce verset donc, nous avons, en plus d'une incitation à la piété, li qawmi yattaqoun, une incitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à méditer et à réfléchir sur la création des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent. Ce qui permet au serviteur, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, de connaître son Seigneur, d'augmenter sa foi en lui, et de l'adorer lui seul, subhanahu wa ta'ala. Puis le temps nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu thalithatu wal-khamsoun, le prophète numéro 53, est que la piété est une cause permettant d'obtenir l'alliance d'Allah, et par elle, la peur et la tristesse ne touchent pas le serviteur. Allah nous dit d'après l'essence du verset, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah n'ont rien à craindre et ils ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sourate Yunus, versets 62 et 63. Donc, ils n'auront aucune peur. La khawfun alayhim, et ne seront point attristés. Ce qui prouve qu'ils seront à l'inverse dans une sûreté complète et un bonheur parfait. Fi amnin kamil wa sa'ada. Donc, ils auront une sûreté complète, car ils n'auront ni peur, ni seront attristés, et ils seront dans un bonheur parfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera. Qui sont-ils ? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ont cru en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de croire. Wa kanu yattaqun, qui étaient pieux. C'est-à-dire, par l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le délaissement de ses interdits. Donc, ils ont réuni entre la science et les œuvres. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et dans ce verset, il y a une réfutation envers quiconque prétend que le pieux doit avoir certaines caractéristiques particulières, car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager n'ont aucunement cité, ou doit avoir une tenue particulière, comme cela est répandu auprès de certains adeptes du soufisme. Ou bien, pire encore, contre ceux qui vont prétendre que par la piété, la personne atteint un stade où elle peut se passer de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle peut délaisser ses interdits. Donc bien au contraire, comme le cite ce verset, le pieux est celui qui est caractérisé par la foi, al-iman, al-ladina amanu, donc par la science et par la piété, wa kanu yattaqun, donc qui est le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu al-rabi'atu al-khamsoun, le prophète numéro 54, est que ceux qui ont la piété comme attribut ont une bonne annonce dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah nous dit d'après le sens du verset. Ceux qui ont cru et étaient pieux, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Aucun changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Sourate Yunus, verset 64. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah, dhalika huwa al fawzul azim. Donc l'énorme succès. Ils ont une bonne annonce, donc les pieux, ceux qui ont cru et qui ont été pieux, c'est-à-dire donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité quelle sera cette bonne annonce et cette bonne nouvelle qu'aura les pieux. Donc cela prend aussi un sens général. Donc cela englobe tout bien et toute récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait découler de la foi et de la piété, dans ce bas monde comme dans le delà. Dans ce bas monde, comme les bonnes éloges que le serviteur peut recevoir, comme le fait qu'il soit aimé par les serviteurs croyants, comme le fait qu'il puisse voir certains rêves pieux dans lesquels il voit une bonne annonce, ou comme ce qu'il voit comme douceur venant d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui, par le fait de lui faciliter l'accomplissement du bien, des bonnes œuvres, le fait d'adopter des bons comportements, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne des mauvais comportements. Ils auront aussi une bonne annonce dans l'au-delà. Cela en premier lieu, lorsque les anges prendront leurs âmes, et qu'ils leur feront une bonne annonce du paradis qui leur a été promis. Puis dans la tombe, ils auront une bonne annonce par les délices de la tombe, et par le fait qu'ils soient préservés du châtiment de la tombe. Puis, Yawm al-Qiyamah, le comble de cette bonne annonce, par l'entrée au paradis, dans la demeure des délices, et le fait qu'ils soient éloignés du châtiment de l'enfer. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatul khamisatu wal-khamsoun, le profit numéro 55, est que la bonne fin, la fin louable, est pour les pieux. En al-aqibat al-hamida lil-muttaqin. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et en dur, certes la bonne fin est pour les pieux. Et en dur, certes la bonne fin est pour les pieux. Fasbir inna al-aqibata lil-muttaqin. Sourate Hud, verset 49. Le prophète numéro 56 est que la piété empêche la transgression. Allah nous dit à propos de Lout alayhi salam qui a exhorté son peuple en leur disant: craignez Allah et ne me déshonorez pas dans mes invités. Wala tukhzuni fi dhayfi. Sourate Hud, verset 78. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 57 est que la récompense des pieux est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et la récompense de l'au-delà est certes meilleure pour ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Wala ajrul akhirati khayrun lil ladhina amanu wa kanu yattaqun. Sourate Yusuf, verset 57. Donc lilladhina amanu, pour ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, qui étaient pieux, par l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement de ses interdits subhanahu wa ta'ala, en ne recherchant par cela que son agrément subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu thaminatu wal-khamsoun, le prophète numéro 58, est que la piété fait partie de la bienfaisance, al-ihsan, dont Allah ne fait pas perdre la récompense, et que le pieux a été par la piété préféré à autrui. Allah nous dit, à propos des frères de Yusuf alayhi salam, qui lui ont dit: est-ce que tu es certes Yusuf? Il dit: je suis Yusuf, et voici mon frère. Allah nous a certes favorisés. Quiconque fait preuve de piété et endure, alors certes Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Ils dirent: par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Sourate Yusuf, versets 90 et 91. Donc dans ce verset, nous voyons que Yusuf alayhi salam a cité que quiconque fait preuve de piété et endure, alors certes Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Ce qui montre que l'endurance et la piété fait partie de la bienfaisance. Et aussi fait partie de ce parcours Allah subhanahu wa ta'ala préfère et favorise certains serviteurs à d'autres. Comme l'a dit Yusuf alayhi salam, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Allah nous a certes favorisé. Et ses frères lui ont dit, vraiment, Allah t'a préféré à nous. Donc par la piété, bittaqwa wa sabr. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 59, que l'au-delà est meilleur que ce bas monde pour les pieux. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et la demeure de l'au-delà est certes pour ceux qui font preuve de piété, ne raisonnez-vous donc pas. Surat Yusuf, verset 109. Puis nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 60, est que la fin des pieux est le paradis. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin des pieux, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Surat Ar-Ra'd, verset numéro 35. Puis nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 61, est que la récompense des pieux est des jardins avec tout ce qu'ils contiennent comme délices. Allah nous dit d'après le sens du verset, certes les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Et nous aurons arraché toute rancœur de leur poitrine et ils se sentiront frères. Et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Surat al-Hijr, versets 45, 46 et 47. Puis nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu thaniyatu was-sittun, le prophète numéro 62, est que par la piété, on connaît la réalité de ce qu'Allah a fait descendre. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et il fut dit aux pieux, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils dirent un bien. Waqila lil-ladhina taqaw, ma'adha anzala rabbukum, qalu khayra. Surat An-Nahl, verset numéro 30. Donc les pieux reconnaissent et connaissent la réalité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Alors qu'Allah nous dit, un peu avant ce verset, à propos d'autres que les pieux, à qui il sera dit, et lorsqu'il leur est dit, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils disent des légendes anciennes. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Surat An-Nahl, verset numéro 24. Alors que les pieux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissent la réalité de ce qui a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous dit, rahimahullah, Al-fa'ilatu thalithatu was-sittun, le prophète numéro 63, et qu'Allah a fait des éloges à la demeure des pieux, darul muttaqin, ce qui montre ses parfaits délices. Allah nous dit d'après l'essence du verset, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure, quelle agréable demeure est celle des pieux. Walani Amadarul Muttaqin, Surat An-Nahl, verset numéro 30. Puis nous dit Rahimahullah, Al-Fa'ilatu Rabi'atu Wasittun, le prophète numéro 64, est que ceux qui ont la piété comme caractéristique verront les anges prendre leurs âmes sur le plus bon état et recevront des salutations et seront honorés par les anges. Allah nous dit d'après l'essence du verset, Kadhalika yajzi Allahu al-Muttaqin. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons. Les anges leur diront, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Surat An-Nahl, versets 31 et 32. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. Puis nous dit, rahimahullah, Al-fa'ilatu al-khamisatu was-sittun, le prophète numéro 65, est que la piété est une cause permettant d'obtenir la compagnie particulière d'Allah, ma'iyatullah al-khassa. Allah nous dit d'après l'essence du verset, certes Allah est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Surat An-Nahl, verset 128. Certes Allah est avec les pieux, ceux qui le craignent, en délaissant les péchés, qui sont bienfaisants, dans son adoration, premièrement, subhanahu wa ta'ala, donc en l'adorant, comme s'il le voyait, subhanahu wa ta'ala, et si eux ne le voient pas, certes, lui les voit, et qui sont aussi bienfaisants envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en leur profitant de tout point de vue. Inna Allaha ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Puis il nous dit, rahimahullah, al-fa'ilatu as-sadisatu wa sittun, le prophète numéro 66, est que la piété fait partie des attributs des messagers. Allah nous dit, à propos du prophète Yahya alayhi salam, ibn Zakariya, fils de Zakariya, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, et il était pieux. Wa kana taqiyya. Surat Maryam, versets 12 et 13. Puis nous dit, rahimahullah, al-fa'ilatu as-sabi'atu wa sittun, le prophète numéro 67, est que par la piété, on hérite des jardins du paradis. Allah nous dit d'après l'essence du verset, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui ont été pieux. Nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui ont été pieux. Surat Maryam, verset numéro 63. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 68 est qu'elle est une cause permettant d'être sauvé du feu. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, ensuite nous sauverons ceux qui ont été pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés, c'est-à-dire en enfer. Surat Maryam, verset numéro 72. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont été pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Puis nous dit, rahimahullah, al-fa'ilatu at-tasi'atu wa sittun, le prophète numéro 69, est que les pieux seront ressuscités vers leur Seigneur honoré. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda. Et le jour où nous rassemblerons les pieux auprès du tout miséricordieux. Donc ils seront rassemblés, honorés, wafda. Surat Maryam, verset 85. Et à l'inverse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à propos des criminels, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا. Et nous pousserons les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, الْفَاِلَةُ السَّبْعُونَ, le prophète numéro 70, est que le Coran est une bonne annonce pour les pieux. Allah nous dit, à propos du Coran, d'après l'essence du verset, nous l'avons rendu facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que tu avertisses un peuple irréductible. Surat Maryam, verset numéro 97. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكْ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Donc le Coran est une bonne annonce pour le croyant dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَبِهَذَا نَكْتَفِي سَائِلِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا مَنَّ عَلَيْنَا بِدِرَاسَةِ هَذَا الْمَوْضُوعِ الْعَظِيمِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ نَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ رَبَّنَا آتِ أَنفُسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّيهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال فانه لا يهدي لاحسنها الا انت وقنا سيء الاخلاق والاعمال فانه لا يقي سيئها الا انت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.